Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila nduku na kila dada mchina Yesu Kristo. Saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Na tunasalimia banduku wetu na badada wanatufuata mtandao. Nous souhaitons à chacun de vous un bon demi, un bon début de la semaine. Na tunatakia kila mmoja wetu apate kwanza wiki mzuri. Que Dieu nous fasse grâce. Na Mungu atufashe kutina neema. Être encore nourri une fois de plus. Tupate kulishwa tena mara ingine. Pour notre préparation. Kwa ajili ya matayarisho yetu. Le frère Jean-Jacques Chimanga de Kinshasa est déjà dans l'assemblée. Nduku Jean-Jacques Chimanga au Kinshasa et Kumakutano. Si le frère Jean-Jacques Chimanga est là, il peut se tenir debout. Kama nduku Jean-Jacques Chimanga est kukakati et tonos Chimama. Il n'est pas encore là. Bado Afrika. Nous avons quelques salutations. Tuku na masalamu kidoku. Le frère Mbumba, diacre de Lubumbashi. Nduku Mbumba Shemashi Kulubumbashi. Et le pasteur José de Cape Town. Na pasteur José wa Cape Town. Vous ont tous salué au nom de Jésus-Christ. Balimilamkia nini wote mujina la Yesu Kristo. Je tiens à remercier tous les frères, toutes les sœurs. Minapenda kupitia kisanti banduku bote na badada. À mon nom propre. Mujina pastor peke. Et au nom de toute la famille Ngoyi. Na mujina ya jama yote ya Ngoyi. Pour tout ce que vous avez fait pour ma fille Adassa. Kwa bile biote mulifanya njua binti wangu Adassa. Le spirituel comme le matériel. Bia kiro kama ba kimwili. Que le Seigneur vous retourne au centuple. Bwana Mungu apate kumrudishia mara mia. Et d'une manière particulière. Na munana kipeke. Je salue et je remercie beaucoup. Mina shukuru sana na mapiki accent kabisa. L'équipe organisateur. Kundi ya bale baranza kutengeneza ile kahamu. L'équipe du docteur Albert. Ah, kundi le tumika na docteur Albert. La famille Mbaz. Jama ya Nduku Mbaz. La famille Douglas. Jama ya Nduku Douglas. La famille Rifin. Jama ya Nduku Rifin. La famille Papi. Jama ya Nduku Papi. La famille Kilolo. Jama ya Nduku Kilolo. Et tous les jeunes frères et toutes les jeunes sœurs. Na babiana banduku na badada. Qui pendant une semaine ont été au four et au moulin. Bale baritumika kabisa kabisa kadiri ya juma mujima. Pour la réussite de ce mariage. Ndu indoa kahamu indoa ipate kuwa mzuri. Je suis très reconnaissant vers vous. Niko nimeshukuru kabisa sana. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Bwana Mungu amibariki mara mia. À travers ces petites paroles. Kupitia imisemo kidoko. Trouvez-y ma gratitude. Mupate kupokea ku shukurani yangu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Levons-nous pour la parole. Tushimame njua ya kusoma neno. Prenons Psaume 33. Tuchukue kitabu ya Zaburi sura ya 33. Psaume 33. Zaburi. Dans son verset 11. 33 mstari yake ya 11. Vous tous, vous savez notre ligne de conduite. Mwebote munayua namna yetu kujiongoza. Souvent, quand il y a mariage, le dimanche est entièrement consacré sur une prédication qui traite du mariage. Kama kukunkaramu ya ndoa, siku ya juma, tunekaraka tunatolele juma, paka kumambu inausu ndoa. Et nous sommes obligés de suspendre l'enseignement. Na tunekaraka na lazimisho kushimamisha kwanza mafundisho. Comme nous l'avons fait dimanche. Paka vile tulifanya siku ilipita. Et de reprendre cela après. Na kisha njo tunaanza tena tunaendelea. Mais il ne faut jamais quitter l'esprit de l'enseignement. Lakini haifai kutoka mwili roho ya mafundisho. Même si on arrête pour un temps l'enseignement. Hata kama manashimamisha kwa muda mafundisho. Gardez toujours, soyez toujours dans cet esprit. Lakini mkuwe tuna wazo kwa mafundisho ile. Et cela va beaucoup vous aider. Na ile itemsaidia kabisa. À bien prospérer. Mupate kuendelea mzuri muimani. Seigneur, nous te disons merci. Bwana, tunakupikia asante. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Asante juu ya Bwana Yesu ulitutumia. Lui seul est donateur de la vie. Yeye peke yake analitaka uzima. Lui la source de bénédiction. Yeye chemchemu ya uzima. C'est lui qui est la source de la santé spirituelle et physique. Yeye chemchemu ya afya ya mwili na kiro. C'est toi qui es le chemin et la vie. Niweye njo njia na bujima. Et cet après-midi, nous te disons merci. Na imangaribi tunakupitia asante. Oh, les bien-aimés frères et sœurs que tu nous as donnés. Juu ya banduku bapendwa benye ulitupatia. Ces hommes et ces femmes avec lesquels nous allons hériter ton royaume. Abanaume na banamume pamoya tutariti ufalme wako. Seigneur, sous le sang de Jésus-Christ. Bwana, chini ya damu ya Yesu Kristu. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus. Upatie kutunyanyula pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristu. Donne-nous la compréhension juste. Utupatie kuelewa kukweneana kuzuri. La compréhension exacte de ta parole. Kuelewa kwa kweneana kwa neno lako. Pour que nous marchions dans cette, sur cette voie. Kusudi tupate kutembea mu safari. Avec assurance. Na hakikisho. Avec obéissance, na utiifu, avec fidélité, na uaminifu, jusqu'à la fin de notre séjour. Paka na mwisho ya maisha yetu pa dunia. Béni mes frères. Bariki banduku yangu. Béni mes sœurs. Bariki badada yangu. Seigneur. Bwana. Tu es monté au bois du calvaire. Ulipanda kumuchia calvario. C'est à cause de nous. Ni kwa ajili yetu. Ne compte pas nos fautes, nos manquements. Apana kuangalia makosa yetu na ukosefu yetu. Regarde au sacrifice. Lakini upate kuangalia tu kusadaka. Que notre rédempteur. Ile mkombozi wetu. A supporté pour nous. Alivumilia, alisikia juu yetu. Sauve les perdus. Upate kokoa benye kupotea. Délivre ceux qui sont enchaînés par l'ennemi. Komboa bali wanaacha kuzungukusongwa na adui. Ututakase Bwana. Guéris toutes nos maladies. Uponye hata magonjwa yetu yote. Spirituel. Ya kiro. Physique. Ya mwili Bwana. Amen la paix dans nos foyers. Ulete salama mumajama yetu. Amen la paix dans nos ulete activités. Ulete salama mumabiashara yetu. Fais prospérer notre foi. Ufanye imani yetu ipate kuendelea kumbele. Bénis ta parole. Bariki neno lako. Bénis tes serviteurs. Bariki batumishi yako. Début à la fin. Mwanzo hata mwisho. Que ton nom soit honoré. Jina lako lipate kuheshimishwa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Mapu ya wamilele ikuako kwa lote. Dans la traduction parole de vie. Mukutafsiri kwa parole de vie. Il est dit. Imeandikwa. Les plans du Seigneur. Mapu ya Bwana. Subsiste à toujours. Ikwako kwa lote. Et les projets de son cœur de génération en génération. Na mapu ya moyo wake ikwako bizazi na bizazi. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Yaeri taifa ile wa milele jo Mungu wabo. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Na baeri taifa ile unachakula kama urithi yake. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomi wa neno lake. Tous ces plans que Dieu a conçus depuis l'éternité. Imapu ile Mungu alitunga tangia mu milele. Tous ces projets qu'il avait formés dans son cœur. Mamapu ile alitunga ndani ya moyo wake. Qui devait s'accomplir de génération en génération. Il est né pas sortimika kizazi kisha kizazi ingine. C'est pour le bénéfice. Ninju ya faida. De nous son peuple. Ye tushie taifa yake. Qu'il a choisi comme son héritage. Benyari tuchakula sawa uriti yake. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés. Tuku baeri. Parce que Dieu a fait de nous sa portion. Sababu Mungu alifanya tunakuwa sehemu yake. Dans la grâce et dans la miséricorde du Seigneur, Munema na mureema ya Bwana. Il a voulu que chacun de nous participe à ce plan. Alipenda kila mmoja wetu apate kushiriki kumapu yake. Et au projet que Dieu lui-même, Elohim lui-même, avait formé dans son cœur quand il était dans l'éternité. Na kumapu ile Elohim Mungu alitunga mwakati alikuwa milele. C'est pourquoi Dieu nous donne de la sagesse. Je komana Mungu anatupatia hekima. Il nous donne de la compréhension. Anatupatia kuelewa. Pour que nous puissions comprendre. Kusudi tupate kwanza kuelewa. Les choses qui étaient cachées dans les pages de la Bible. Bitu benye bilikuwa benye kufuchika mu makaratasi ya Biblia. Et les choses qu'il avait cachées en son cœur lorsqu'il était seul dans l'éternité. Na bitu bila kufuchikaka moyo wake mwakati alikuwa peke yake mu milele. C'est pourquoi suivez encore attentivement. Ndio kwa maana mfuate tena na angalisho. La semaine passée, Juma ilipita, vendredi, mu siku ya kastano. Nous avons pris un exemple technique. Turibeba mufano moya ya technique. Pour que chacun de nous comprenne en image ce que Dieu a fait pour nous. Kusudi kupitia mapicha kila mmoja wetu apate kuelewa kile Mungu alifanyia. Et le plan qu'il avait conçu pour toutes choses et pour notre salut. Na mapu ila tunga juu abitu yote na juu ya okovu. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'avant-projet. Na njo kwa maana tulisema ile inatanguliaka mapu. Nous avons parlé du projet. Tulisema mapu yenyewe. Nous avons parlé du bureau d'études. Tulisema ile ofisi ya majifunzo. Nous avons parlé du bureau de commandement. Na tulisemezea tena yule ya ofisi ya kuamuru. Et nous avons parlé des qualités des agents qui doivent travailler dans les bureaux d'études. Na tulisemezea yulu ya ali ya batu bale manaweze kutumika muile ofisi ya majifunzo. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit cela. Aina tu kwa bure tulisemezea yulu ya ili. C'est pourquoi avant de nous arrêter vendredi. Joko amana mkastano mbele ya siku shimama. Nous avons pris la pensée de Dieu sur les 15 choses qu'on avait énumérées. Tulibeba wazo ya Mungu yulu ya bile bitu 15 tulitayaka. Nous avons montré que dans l'éternité Dieu était seul. Tulionyesha ya kwamba mumilele Mungu alikuwaka yepeke Elohim. Il n'avait personne à côté de lui. Na pembeni yake akukwake mtu hata moya. Vous tous, vous savez, quand nous avons enseigné la divinité, Moboti munayua, mwakati tulifundishaka Mungu, que le terme Elohim signifie, tumeambiaka kwamba msemo Elohim manake nini, celui qui vit par lui-même, ni kusema ule mu ekonaishi kwa ye mwenyewe, et quelqu'un qui existe par lui-même, na ekwako juu ya ye mwenyewe, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement, ni mutu, ule ana na mwanzo wala mwisho wa maisha. C'est ce qu'il est. Jokile eko. Voyez bien mes frères. Munaona nduku mpendo. Mais cet homme éternel. Lakini ule mutu wa milele. Elohim. Elohim. Qui existe par lui-même. Ule ekwako jua ye mwenyewe. qui vit par lui-même, qui n'a ni commencement de vie ni fin de jour, pendant qu'il était seul, il avait en lui plusieurs attributs. Il avait en lui plusieurs qualités. Il avait en lui plusieurs travails. Et depuis l'éternité, dans sa pensée, ndani ya mawazo yake, en tant que projecteur, sawa wa kutangulia kutayarisha, personne qui conçoit des projets, mutu unaanza kutunga mamapu, comme un architecte de tout ce qu'il devait créer, mufundi wa bile biote alitia kutukumba. Et en tant qu'Elohim, na, ça Elohim, il voulait manifester tout ce qui était en lui. Alipenda sasa kuonekanisha bile biote bilikuwa ndani yake ipate kuonekana. Parce que c'est lui qui est le souverain. Sababu ni yejo mkubwa. Il est le maître. Yejo mwa kutawala. Il est le chef. Il est le seigneur. Na yejo bwana. Il est le créateur. Eko mumbaji. De toute chose. Wa bitu biote. Et quand il était dans l'éternité, wakati alikuwa milele, en tant qu'un être seul, c'est lui-même qui formait ses projets. C'est lui-même qui faisait ses plans. Et le plan de tout ce qu'il avait formé, tous ces projets qu'il avait conçus, le projet de toutes choses, de tout ce qui existerait sur la terre, il les gardait en lui. Alikuwa anabichunga ndani yake. Et personne ne le savait. Na hakuna mtu hata moyo kwasha ijua. Il n'y avait aucun. Na kukwake malaika hata moyo. Il n'y avait aucun. Hakuna yake mtakatifu hata moyo. Personne ne pouvait l'aider. Na hakuna mtu aliweza kumsaidia. Il était seul. Alikuwa yeye peke yake. Mais avec sa pensée. Mais lakini na mawazo yake. Dans laquelle il conçut beaucoup de choses qui devaient manifester. Na ni mu mawazo yake joko natunga bitu ya mingi la pasha kuonekanisha. Pourquoi nous vous avons dit vendredi? Na joko maana tumeambia mkastano. Qu'Elohim conçut. Ya kwamba Elohim akatunga. Le plan de toute chose, mapu ya kitu kyote, qui devait exister dans le ciel, qui passa kuya mumbingu, comme sur la terre, na padunia, il n'y a rien qui existe, na hakuna kitu kikwaku, qui n'a jamais été conçu par Elohim, kile ye wa milele ashikutanguli yake kutunga. Si Elohim n'a jamais vu quelque chose, kama Elohim akuonaka kitu dans sa pensée lorsqu'il était dans l'éternité, ya mawazo yake mwakati alikuwa ngariki milele, cette chose-là n'existerait pas sur la terre. Ile kitu akitakuyaka kupa dunia. Il n'y a rien qui existe sur cette terre. Hakuna kitu kupa dunia. Il n'a pas existé dans la pensée d'Elohim. Akikukuyake mu mawazo ya miwami ya Elohim. Hata kama unaona kanyengele. Si vous voyez les fourmis, pour que ces fourmis-là puissent exister, il fallait que Elohim puisse connaître ça dans l'éternité auparavant, avant que ça puisse se manifester, se laisser voir. Elohim savait, Elohim a quoi chaque insecte qui existerait dans chaque génération, chaque poisson qui existerait dans chaque génération, chaque animal qui existerait dans chaque génération, tout homme qui existerait dans chaque génération. Et Dieu, en tant qu'Elohim, il connaissait la nature de toutes choses. C'est vrai, frère. Ni kweli. C'est vrai, ma sœur. Kweli, dada yangu. C'est pourquoi nous vous avons montré. Jukwa mana, tulimionesha. Quand ce plan fut révélé à Paul, mwile wakati le mapu banimfunulia yo Paulo, il s'est exclamé. Alishanga. Il dit, oh profondeur de Dieu. Anasema, o upana ya Mungu. Qui sommes-nous pour connaître ces choses qui se passèrent dans la pensée de Dieu? Ibitu bianza kupitikana mu mawazo ya Mungu. Ces choses que vous êtes en train d'écouter, ibitu mumu nachikia, il y a des savants. kuko ba jusi. Il y a des professeurs kuko ba mwalimba en théologie. Balansa kufunda Biblia. Les docteurs en théologie. Ba limu mu ils Biblia. Ont fait plusieurs études. Bale ba jifunza sana. À travers les saintes écritures. Kupitia mandiko takatifu. Ils ont étudié l'hébreu. Barifunda. Ils ont étudié le grec. Barifunda ki grec. Ils ont étudié le français. Barifunda ki faransa. Ils ont étudié l'arménien. Barifunda ata ki arménien. Parce qu'ils voulaient comprendre. Sababu baripenda kuelewa. Dieu. Mungu. Et la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Mais tous. Mais lakini bale bote. On t'a fait à côté. Baripik baripita pembeni. Pourquoi? Dieu a nini? Notre Dieu. Sababu Mungu wetu. Est un Dieu. Ni qui Mungu se cache ou le connaît du futika, un Dieu qui se na révèle. Mungu ou la jifunulaka. Si nous connaissons ces choses aujourd'hui, kama si eleo tunaanza kujua hivi tu leo. Dieu s'est révélé à nous. Mungu Dieu atijifunula kwetu. Dans cet état de la Odyssée, na mwi kizazi kala Odyssée, il y a une promesse Muko qui le malako, ile ina elekea, qui concernait cet âge. Il y elekea ikizazi. Parce que Dieu depuis l'Ancien Testament avait dit, tangia agano za kala semaka, mangaribi, la lumière Nuru paraîtra. Itaonekana. Et à Daniel il avait na, dit. Daniel alisemaka, amwambia, ici, ibi ote kunaona, quel est secret. Ubichunge kama siri. Mais au temps de la fin. Lakini mwakati ya mwisho. Au temps de la fin. Mwakati ya mwisho. Quand ces choses seront révélées. Bitu, bita, bitu la connaissance augmentera. Na ufamu itaengezeka. Et quand la connaissance na, augmentera. Mwakati le ufamu itaengezeka. Les gens seront épurés. Batu batakuwa teji. Ils seront lavés, mais lakini, les méchants batu babaya, ne comprendront rien. Kitu, ils continueront à vivre dans le péché. Paka la révélation de la parole de Dieu ya neno la Mungu, nous sanctifie. Tutakasa, la révélation de la parole de Dieu la Mungu, fortifie notre foi. Iku, natia nguvu imani nous ancre davantage en iku, Dieu. Netutia nanga kabisa à nous la crainte de Dieu. Na iku naleta ndani yetu boka ya Mungu. Juu tupate kutembea. Juu tupate kutembea. Kufuatana na kuona kwa Mungu. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui a conçu toute chose. Jo aritunga kitu kyote. Na jo kwa maana tulimwambia la pensée de Dieu. Na kwamba wazo ya Mungu. C'est même l'avant-projet de Dieu. Jo enye mbele ile ni karaka ntanguria mapu. C'est vrai frère. Kweli nuku. C'est vraiment cher. Na ni kweli dada. Dans 1 Corinthiens. Mu wa Korinto wa kwanza. L'écriture que nous avons lu vendredi. Andiko et tout ce qui est chapitre 2. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya pili. 1 Corinthiens au chapitre 2. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya pili. Dans son verset 16. Mustari yake ya 16. Car. Kwani. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nani ulaliwaka wazo ya Bwana njua apate kumfundisha? Quand il était dans l'éternité. Mwakati alikuwa milele. Qui était à côté de lui pour lui dire? Nani alikuwa pembeni yake njua kumwambia? Fais ça. Fanya ako hivi. Ne faites pas ça. Hii hapana kufanya. Ça c'est bon. Hii iko ya mzuri. Ça c'est mauvais. Hii iko ya mubaya. Qui est à côté de lui? Nani alikuwa pembeni yake? Qui connaissait ses pensées? Na nani aliyuaka mawazo yake? Personne. Hakuna mtu hata moya. Parce que les anges n'existaient pas. Sababu mamalaika tabo abakukuyeko. Les hommes n'existaient pas. Batu abakukuyeko. Il était seul. Na alikuwa ye pekee. Or nous, japo si nous avons la pensée de Christ. Tuko na wazo ya Kristo. Aujourd'hui nous qui sommes leo, sauvés. Si benye kokolewa. Nous, les hommes qu'il a appelés par sa grâce. Les hommes et les femmes qu'il a sauvés. Nous faisons maintenant partie du corps de Christ. étant en Christ, venye kuya ndani ya mwili ya Kristo, il nous a donné la pensée de Christ. Alitupatia mawazo ya Kristo. Et Christ, na Kristo, est le cœur de Dieu. Njo enye moyo ya Mungu. Il est le cœur d'Elohim. Njo moyo ya Elohim. Sans Christ, bila Kristo, Dieu n'existe pas. Mungu anako. Et pourtant, Yapu, c'est la pensée de Christ, l'oiseau de Christ qu'il a déversé en nous, Dieu, il a rioué kandani nous yetu, qui croyons si ben à l'œuvre du calvaire. Kazi ya pourquoi Dieu nous a-t-il donné la pensée de Christ? Aspatia wazo ya Christ, c'est pour nous rendre capables de comprendre les mystères, ya kuelewa masiri, les mystères masiri, que Dieu avait conçu depuis l'éternité, qu'il avait caché en lui-même na il a et qu'il nous a révélé au travers de ses messagers. Pourquoi? Pour que nous soyons participants yake. Nous sommes une partie du plan de Dieu. Ya mapu ya Mungu. Oui, bien-aimé frère. Ya kweli nduku mpendwa. Ya kweli ndio dada mpendwa. Nous faisons partie na shie tuko du plan que Dieu a conçu depuis l'éternité. Sehemu ya ile mapu Mungu alitunga mumilele. C'est ça même la raison pour laquelle na, joenye sababu, Dieu nous révèle ce mystère pour que nous le comprenions tupate kuelewa, pour notre salut juu ya et pour notre perfection na, en Christ. Juu ya ukamilifu wetu ndani pour ya Christ, que chacun de nous kusudi comprenne que kila moja wetu nous ne kuelewa, sommes pas comme les autres hommes. Nous ne sommes pas comme les autres femmes. Nous sommes une race particulière. C'est vrai, frère. Esaïe 40. Dans son verset 13. Jusqu'au verset 14. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Ni nani ulaichimba roya wa milele? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Na ni nani alimwangazia kumashauri? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Ni nani mwenye alichimba roya wa milele? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Nani nani alimwangazia mawazo yake? Qui pouvait éclairer Dieu? Nani qui pouvait éclairer Elohim dans l'éternité? Elohim Mungu mulo mumilele. Parce qu'il n'y avait personne. Sababu akukuwake mutu hata moya. Pendant cet enseignement, lakini muhimu fundisho, vous verrez, utaona kwamba, qui a éclairé, nani alimwangazia, le conseil de l'Éternel, shauri ya wa milele, de Elohim, na shauri ya Elohim. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona ndugu mpendwa. Qui a éclairé, nani aliangazia, qui l'a éclairé de ses pensées? Alimwangazia mawazo yake. Avec qui a-t-il délibéré? Na pamoja na nani balichukua? Pour recevoir de l'instruction? Mipango ya mwisho juu apate na yeye kupokea mafundisho. Qui se tenait à côté de lui? Juu ya kuweza kumwongezea. Afin de lui ajouter. Pour lui avoir kutunga. À ce qu'il était en train de concevoir. Aripokea, il a reçu l'enseignement Aripokea auprès de qui kwanani. Il a reçu de l'ordre auprès de qui? Il lui a appris le sentier de la justice. Ni nani mwenye anamfundisha il lui a enseigné la sagesse. Nani ule anamfundisha hekima? Et qui fait connaître le chemin de l'intelligence? Anaoneshaka njia akiri. Unaona? Il lui a instruit. Ni nani ule anamfundisha? Il lui a donné de la sagesse. Ni nani ule anampatia hekima? Il lui a donné de l'intelligence. Ni nani ule anampatia akili? Na ni nani alimshauria? Mule mumilele. Pendant qu'il était seul. Wakati alikuwa engariki yeye moya. L'église est avec moi. Kanisa tuko pamoja. Elohim. Elohim. Cet être surnaturel. Ule mutu wa mais qui pouvait le conseiller? Ni nani aliwezi kumshauria? Na mtazameni. Regardez le verset 25. Ya 25 kufika paka na 22. A qui À qui comparerai-je vous? Na munawezi kunilinganisha na nani? Pour que je lui ressemble, dit le saint. Nipate kufanana naye anasema mtakatifu. Levez vos yeux en haut. Mulamushe macho yenu mwangalie yule. Et regardez. Na mutazameni. Qui a créé ces choses? Ni nani mwenye arumba hii bitu? Qui fait marcher en ordre leur armée? Et ni nani eko natembeza mwenye hii bitu? Qui les a appelés toutes par leur nom? Na ni nani alibiita biote kupitia par son grand pouvoir et par sa grande force, na kupitia nguvu yake mkubwa, il n'en est pas un qui fasse de faux. Hakuna ta mubile bitu vyote, hakuna ta kimwa kinekaki na kotola. La manière munana dans laquelle Dieu a ordonné toutes choses, ile Mungu aliamuru bitu vyote, toutes choses, biko natembea mu harmonie, marche katika mapatano, munana ya kusema, il n'y a pas de défaut dans ce que Dieu a fait, kukotola wala nkosa, dans ce que Dieu a créé, mubile Mungu aliumba, tu marche dans l'harmonie, yote tunatembea katika usawa. Vous voyez bien mes frères, munaona nduku mpe. C'est une haute sagesse. Ni ekima ya juu c'est une kabisa, haute intelligence. Na ni akili ya juu une kabisa, intelligence. Na akili une ile, sagesse qui n'est pas ekima humaine. Ile aina ya ça, basi, c'est Dieu. Na ile jo Mungu. C'est vrai, frère. Tout ce que vous voyez n'existe pas par elle-même. Aina vyo binye bilige non. Apana. Il y a un créateur. Kuko mumbaji wavyo. C'est vrai, frère. Bia kweri, il y a celui qui a conçu le plan de toutes choses. Tungaka mapu ya kintu chote. Il y a celui na kuko ule qui a fixé ule la loi mwenye sur chaque chose. Arieka seria yulu ya kintu chote. C'est vrai, frère. Bia kweri chaque luku chose que Dieu na créa kila kitu kyote ke yimu wa yumba pour manifester les attributs juu ya kuonekanisha makazi yake avait conçu na mapu l'éternité dans sa pensée tunga tanya milele mawazo yake chaque chose kila kitu marche dans l'harmonie dans l'ordre na katika kunyoloka. Tout respecte la parole de Dieu. Iko naheshimia paka neno la Mungu. Toute chose. Kitu kyote. Marche selon la parole. Natembea kufuatana na neno la Mungu. Na kitu kyote. Iko naheshimia neno la Mungu. Na hakuna kitu hata kimoya. Kile kinakataa l'ordre de Dieu. Ku agizo ya Mungu. Inya que les hommes. Ni paka tu batu. Qui utilise mal les libres arbitres. Beko natumia mubaya uru yabo ya chakula. C'est vrai, frère. Ni vya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni vya kweli dada yangu. Jua nini unasema? Jacob. Pourquoi tu dis Jacob? Jua nini unasema Yakobo? Pourquoi tu dis Israël? Jua nini unasema Israël? Ma destinée cachée devant l'Éternel. Ya kusema mwisho yangu ndio pasi na pelishi devant mon Dieu. Na alali yangu napita pasi kuona mbele ya Mungu. Jo vile basi ba mimi manasemaka. Dieu te connaît. Mungu anakujua. Plus que tu te connais toi-même. Anakujua kushindia na wewe mwenyewe vile unajua. Dieu me connaît plus que je me connais moi-même. Ananijua kushindia na vile ninajua mimi mwenyewe. Notre destinée ah, mwisho yetu n'est pas inaperçu. Aina yasipokuonekana. Dieu connaît la fin de chacun de nous. Anayua mwisho ya kila moja wetu. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Auye kile kinachofikia kesho. Mais Dieu connaît tout cela. Mungu yanayua. C'est vrai, frère. Dieu connaît même la manière dont tu vas t'habiller demain. C'est comment tu vas manger. Même le nombre de pas que tu vas faire. Vous voyez, combien de fois ton cœur va battre demain? Na marangapi moyo wako itapiga kesho. Toi tu connais même pas ce qui va t'arriver à 17h30 ou à 19h30. Mais depuis l'éternité Elohim connaissait déjà cela. Pourquoi tu me compares à nani? À qui vous pouvez lui comparer? Dans sa pensée katika mawazo yake, il avait déjà tout vu. Il avait tout déjà conçu. Alikuwa anaisha kutunga vitu. C'est vrai, frère. Nduku. Ne le sais-tu pas? Et ujue. Ne l'as-tu pas appris? Et kujifunze. C'est le Dieu d'éternité. Ni Mungu wa milele. C'est le Dieu de toute éternité. Ni c'est l'Elohim de toute éternité. Wa milele yote. L'Éternel. Wa milele. Celui qui vit par lui-même. Unaishi kupitia mwenyewe. Celui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement de jour, na mwanzo ni fin de vie. Wala mwisho wa bujima. C'est le Dieu na, d'éternité. Wa milele. L'Éternel. Wa milele. Qui a créé les extrémités de la terre. Ule ariumba mipaka ya dunia. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Quand vous allez dans Job au chapitre 11, Dieu pose la question à Job. Disons Job. Disons le livre de Job. Kitabu ya Yobo. La pensée de Dieu. Wazo ya Mungu. C'est là où il avait conçu toutes choses. Job chapitre 11. Yobo sura yake ya 11. Verset 7 à 8. Prétendu sonder la pensée de Dieu. Unajizania kuchimba mawazo ya Mungu ala koneza parfaiti di tout puissant na kufika mukonekana ukamilifu wa wote siote que les cieux eko juu sana kushindia mambingu. No, la connaissance ufahamu prétendu sonder les pensées de Dieu etuzania kuchimba mawazo ya Mungu parvenir à la connaissance parfaite du tout puissant kufika na kujua kwa ukamilifu kujua kwa kamilifu wa uwezo yote elle est aussi parfaite que les cieux eko kamilifu sawa mambingu que feras-tu utafanya nini plus profonde eko upana que le séjour de mort kushindia hata pahali ya wapi que seras-tu utajua je frère utajua nini que seras-tu parce que Mungu est tellement wamilele, tellement grand, tellement mkubwa kabisa. Il est éternel et toi tu es dans le temps. Eko wamilele wewe hukumu wakati. Il est tellement élevé. Eko waju sana. Utajua ma pensée ya que Dieu. Comment est-ce que tu vas connaître tes pensées? Bah ouais, kuyua ma pensée ya Mungu. Connaître le pensée de Dieu. Il faut pas que yeye mwenyewe akufunulie yo. Que lui-même qui puisse vous les révéler. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweri dada. Gloire à son nom. Kwa mini mujina lake. Parce que dans cet âge de la Odyssée, sababu mwikizazi ke la Odikia, il lui a été agréable. Ili mupendezwa. De nous révéler apate tout ce que lui cachait dans sa pensée. Nous sommes un peuple béni. Nous connaissons des choses que les hommes ne savent pas. Parce que l'Esprit de Dieu, sababu, l'Esprit de Christ, Christ est venu vers nous kwetu, pour ôter les voies devant nous et nous ouvrir l'éternité. Voyez bien mes frères, unaona, nous étions ensemble kwa pamoya, dans la pensée de Dieu. Mungu, c'est pourquoi nous connaissons ce qui était dans la pensée de Dieu lorsque ces choses-là nous sont révélés. C'est vrai, frère. C'est vrai, dada. Pour nous, c'est comme une découverte. Quelque chose qu'on savait, mais qu'on a oublié, mais on vient nous rappeler. Quand on nous rappelle, on dit, c'est ça la vérité. C'est ce que j'ai cherché. C'est ce que je voulais. Et pourtant, je l'avais jamais entendu. Vous voyez bien, mais en tant qu'homme, wakati le batu wengine wanasema michelewe kitu biku vya nguvu sana mewo nasema hapa mimi nimeshikia sababu roho ya Kristo iko ndani yako na Kristo yeye ndio moyo ya Mungu na kile tulikuwa ndani ya moyo ya Kristo na aliweka ndani yetu mawazo yake ni kusudi sie tupate kuelewa vile vitu vyote vinambatana na vile vitu vyote vinambatana na mapu yake. Mungu amibariki. Donc c'est dans la pensée de Dieu. Nikusema ni mumawazo ya Mungu. Que Dieu a conçu toutes choses. mule Mungu aliutunga vitu vyote. Si nous le connaissons. Na kama sie tunabiua leo. C'est parce que dans sa grâce. Kusudi munema yake tia neema yake. Nous sommes une partie de ses pensées. Sie tuko sehemu ya mawazo yake. De ses attributs. Ya ile makazi yake. Voyez, munaona, de son œuvre. Ya ile kazi yake. De son plan. Ya ile mapu yake. Il est venu maintenant nous le révéler. Na alikuwa sasa kutufunulia. Pour que nous soyons participants. Na sie tuko bashiriki. Voyez, à son plan. Ile mapu. Je commande à Nassema Ivi. Écoutez comment Frère Franck dit. Mouchikie, Namnandou Branam Nassema. Et Nassema. Qui est ce Melchisedec? Ouyu Melchisedec, Ninani, Maubiri. À la page 12-13. Ou Caritas Yake, Yakuminambiri, Nakumi, Matatu. Mouchikie Ville et Onassema. Comment le prophète parle? Namna Nabie Konassema. Qui est ce Melchisedec? Ouyu Melchisedec, Ninani. Paragraphe. 46 et 50. J'ai achevé la pensée de vendredi pour continuer. Au commencement, Dieu habitait seul avec ses attributs. Mungu alikuwa yeye mwenyewe na ile makazi yake. Comme j'en ai parlé ce matin. Pavile nilisema tena asubuhi. Ce sont ses pensées. Ni mawazo yake. Il n'y avait rien sinon Dieu seul. Akukwa kitu hata kimoja kama isipokuwa Mungu tu pekee. Mais lakini il avait des pensées. Na alikuwa na mawazo. De même un grand architecte. Vilevile mufundi mkubwa peut réfléchir. Anaweza kukaa na waza. Et dessiner dans son esprit na ndani ya mawazo yake anaanza kufuatula ce qu'il pense construire ou créer. Kile eko na waza kuyenga wala kutunga. C'est dans quel bureau où on fait le dessin? Ni mubiro kani mule be na fai be na fiatula. C'est dans quel bureau? Je vous pose à vous la question. Nemi uliza. C'est dans quel bureau on ni fait le dessin? Ni ofisi kani mule be na fiatulaka? C'est dans quel bureau? Il ne faut pas avoir peur. Ofisi kani mushike boka. C'est dans quel bureau? C'est dans quel bureau? C'est dans quel bureau? Bureau d'études, exactement dans quel bureau? Le bureau des saints. Merci. Que Dieu bénisse. Mon embarek. Mon officier Yakufiatula. Il n'a pas à retenir les choses qu'il nous dit. Dieu aussi. Mungu na yeye. Quand il était seul. Mwakati alikuwa mwenyewe. Dans sa pensée. Mawazo yake. Il y avait un bureau de dessin. Mulikuwaka officier Yakufiatula. Voyez là où les hommes ont copié les. Munaona kule bahatu bari fatika. Dans le bureau d'études, on va voir le bureau d'études. Mu office ya majifunzo. Le bureau d'études de Dieu. Tutaona sasa office ya majifunzo ya Mungu. Munaona ndugu mpendwa. C'est vrai. De même qu'un grand architecte. Vile vile mufundi mkubwa. Réfléchir. Anawezi kuwaza. Et dessiner. Na anafiatula. Dans son esprit. Ndani ya moyo wake na mawazo yake. Kile yeko na waza. Kutunga wala kuyenga. Oh. Japo. Il ne peut pas créer. Ashiwezi kuyenga. Les architectes, les hommes. Batu aba. Les créatures. Ba ingénieurs. Nos ingénieurs ici ce comme le Père Kali, ne peuvent pas créer. Ils battent à Bawes Kumba. Le seul. Il y a le pouvoir de créer. Le capacité de créer, c'est uniquement Dieu. Nous, prenons seulement la matière que Dieu a déjà créée et nous fabriquons maintenant quelque chose. Nous ne sommes pas Baumbaji. Un seul est créateur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, l'homme ne peut pas créer. Il peut prendre quelque chose qui a déjà été créé. Et lui donner une forme différente. Parce que Dieu est le seul qui peut créer. Mais il imagine ce qu'il va faire. Et ce sont ses pensées, ses désirs, ce que l'architecte imagine dans sa pensée, ce qu'il désire faire. Vous voyez, c'est c'est encore dans sa pensée. Le dessin dans sa pensée. Le désir dans sa pensée. Ma picha ingariki mawazo yake na ile mania ingariki ndani yake. C'est donc une pensée. Ni kusema wazo moya. Et quand il exprime, na wakati anaonekana, c'est alors une parole. Vous voyez. Kama naisema, njoo na kwa neno. Une pensée, wazo, lorsqu'elle est exprimée, wakati anaisema, c'est une parole. Inakuwa ni neno. Na quelqu'un veut construire na maison, wakati mtu anataka kujenga nyumba, il a d'abord sa maison dans anaanza sa pensée. Mbele kuwaza nyumba. Na wakati ampenda bamshikie, anasema mitaenga nyumba. Munaona? Pale njoo anatosha, anasema bila ilikuwa mawazo yake. Bila hivyo natoka msemo, ni msemo tu. Me lakini anafungua. Mais qui était caché dans sa pensée? Njoo anafungua. Bila kwa alitaka kuficha mawazo yake. Sababu bampasta anaweza kuyua sasa kusema, okay, ah mzuri. Mzee balave. Bala. Anataka kuenga nyumba. Unaona mundu kumpenda. Unaona dada mpendo. La parole. Neno. Et une pensée. Ni wazo. Ile mtu anasema. Vous voyez. Unaona? Mais cela doit être premièrement une pensée. Mais il est kwanza n'a pas quoi mbele mawazo. Là dans l'avant-projet. Mule mumbele ya mawazo. Ce sont des attributs de Dieu. Il est Dieu mama kazi ya Mungu. Cela devient une pensée. Et puis il n'a pas wazo. Na kisha inakuwa neno. Vous voyez. Unaona? Remarquez. Moi tazameni. C'est qui ce soir? C'est ceux qui ont ce soir. Bale imangaribi. Remarquez. Motazameni. Ceux qui ont ce soir bale imangaribi, la vie éternelle beko na bujuma milele, était avec lui bari kuyaka naye, et en lui na ndani yake, dans sa pensée mawazo yake, avant qu'il y ait un ange mbele kukwata malaika, une étoile, hata nyota, un kérubin, hata mkerubi, ou quelque que ce soit d'autre, aizuru ça yoyote. C'est l'être éternel. Il est ni wa milele. Vous voyez. Unaona. Comprenez-vous cela? Unaona, munaelewa hili? Frère, sœur, nduku dada, uchigieni. Aujourd'hui, leo, pour avoir la vie éternelle, juu ya kuwa na uzima wa milele, tu dois premièrement avoir existé dans la pensée de Dieu. Kwanza inapasa kama ulikuwaka kwa mawazo ya Mungu. Et Dieu t'avait déjà vu. Na Mungu alikuwa ashakuona. Dans sa pensée. Kwa mawazo yake. Avec la vie éternelle. Na uzima wa milele. Si tu n'as jamais existé dans la pensée de Dieu, kama ukukwake mawazo wa milele, tu n'as jamais vécu dans l'éternité, au yaishiaka milele, tu ne vivras pas éternel. Na autaishiaka milele. Autaishiaka milele. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Même la nouvelle essence. Hata kuzaliwa upya. À l'élection. Kuku na mbatana na uchakuzi. La nouvelle essence. Kuzalikwa upya. Aucun homme ne peut naître de nouveau. Hakuna mtu tamu anaweza kuzalikwa mara pili. Il n'a jamais existé. Kama sikuwa kwa la pensée de Dieu. Mule mawazo ya Mungu. Il faut avoir été dans la pensée de Dieu. Na fadhali kwanza ukama ulikuwa kama mawazo ya Mungu. Dans la pensée de Dieu. Mwenye kuwa mule mawazo ya Mungu. Là dans l'éternité. Mule mumilele. Quand Dieu était seul. Wakati Mungu alikuwa peke yake. Il t'a vu toi croire. Alikuonaka wewe kuamini. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Il t'a vu toi. Alikuona wewe. Accepter son plan. Kuchika mapu yake. Si je t'avais seulement vu, kama alikuonaka tu, naître dans le monde, kuzalikwa mdunia, vivre à Kwambo, kuishi mkambo, c'est tout, kunaisha. Mais avec toi, lakini pamoja na wewe, avec toi, kwe, il a vu, alionaka, beaucoup ma d'interprétation de la parole, kutafsiri kwa mingi kwa neno, alionaka kutokuamini ndani yako, il a vu de tout en vous, alionaka shaka ndani yako, ah, vous n'entrez jamais de nouveau. Kamwe au tazalikuwa kama la pili. C'est pourquoi il y a toujours des doutes. Na njo kwa maana Mungu kama mashaka même si on prêche. La parole de Dieu tu prends ça, ça te laisse. C'est qui plaise à votre cœur, vous prenez et le nôtre vous rejetez. Là, à un homme teoulé. Tu n'es pas un élu. À un homme teoulé. Voyez ce que Frère Banam dit. Munona ile ndugu Banam anasema. Il est clair. Et kuwazi. Il dit ceci. Anasema hivi. Remarquez. Tazameni. Ceux qui ont ce soir, la vie éternelle était avec Elohim, et était en lui, dans sa pensée, avant qu'il y ait un ange, une étoile, un kérubin, ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'être éternel. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Non pas votre être ici. Non, il est umbo qu'on a eu à passer ça. La nature que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas existé comme tu es là. Non, tu as existé comme une pensée. Tu as existé comme un attribut, comme un projet dans la pensée de Dieu. Mais la forme que Dieu... Voyez, la forme de Dieu est finie. Dieu doit être infini. Nous, nous sommes limités. Lui, il est infini. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. S'il ne l'est pas, alors il ne peut pas être Dieu. Il connaît toutes choses et chaque endroit à cause de son omniprésence. Son omniscience le fait omniprésent. Il est un être. Dieu Mungu est un homme. Nimutu. Il n'est pas comme Ana, le vent. Sampepo. Non. Apana. Il est un Yeye, être Nimutu. Qui habite une maison. Eko nekala munyumba. Vous voyez? Munaona. Dieu, Mungu, Elohim, est un homme qui habite na une maison. Cet être surnaturel à sa maison. Eko na nyumba yake, na nyumba ya Mungu ni nini? Nani anajua nyumba ya Mungu? Nani anajua nyumba ya Mungu? Qui connaît la maison d'Elohim? Ni nani anajua nyumba ya Elohim? Bale banajua wake biloni. Bale banajua. Ceux qui connaissent la maison d'Elohim, mettez vos mains à l'air. C'est quoi la maison? C'est Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ ou apana? Oui, Pierre. C'est? Non. Oui, frère. Voilà. C'est ça la maison de Dieu. Jonyumba Mungu, nous, Yachibokonekan. 1 Timothée chapitre 6. Lisez-moi. Lisez-moi. 1 Timothée chapitre 6. Timothée wa kwanza sura yake ya sita. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Premundo, toi tu me prends, psaume 104. Zaburi 1 Timothée. Timothée wa kwanza, le micro s'il vous plaît. C'est ça la maison d'Elohim. Elohim. Il habite une lumière inaccessible. Et konekala munuru ya shipoku fiki. Que ni l'homme n'a jamais vu. Il est akuna mungu. Et ne peut voir. Anetakunaka na awezi kuona. C'est ça l'habitation de Dieu. Jo ekalu ya mungu. Visez l'ancien. Musée munawisom. Qui seul possède l'immortalité? Qui seul possède l'immortalité? Yé peke eko na kutokufwa. Qui habite une lumière inaccessible? Na eko qui habite une lumière inaccessible? Nuru moya ila awezi kuingia amo. Que nul homme n'a vu. Na, que nul homme n'a vu. Akuna mbuto tamwanesha konaka. Ni ne peut voir. Na et ne peut voir. Kuona. À qui appartient l'honneur, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Et la puissance éternelle. C'est pourquoi Amen. Dans les Écritures, dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est un être éternel qui habite une lumière qu'on ne peut pas accéder et qu'on ne peut pas voir. C'est vrai frère, prenez psaume 104. Zaburi 104. Ancien, vous pouvez lire. Oui, vraiment. Psaume 104. Verset 1 à 2. Ça fait combien d'années? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, fait, fait, fait. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Eko nejizunguka na nuru tankochi. Voyez. Munaona. le manteau, il est côté, l'habitation, il est face la à maison d'Elohim, Mumba et à Elohim, de cette lumière Dieu, il est nourou, qui est inaccessible il est à tout être vivant. Quoi, aussi, même les anges, même les chérubins, ne l'ont jamais vu dans cet état-là. Il est Ali. Munaona ndugu mpendwa. Munaona dada mpendwa. C'est là. Da ni mule où il habite. Jo mule nekala. C'est ça. Na njoo. Sa demeure. Makao yake. Vous voyez frère bonhomme continue. Du bwana manendelea. Il est un être. Ni mutu. Il habite une maison. Eko na nyumba. Mais étant omniscient. Mais sa vie est anajua. Sachant toutes choses. Na anajua vitu vyote. Cela le rend omniprésent. Na ile namfanya kwa fashi yote. Il sait tout ce qui se passe. Anajua yote ile unapitikana. Il ne peut pas t'y avoir. Akuwezi. Il ne peut pas t'y avoir de plus. Akuwezi kuya kwa ta katilulu kafunja. Oui. Qui cligne les yeux sans qu'il le sache déjà. Vous voyez. Et il savait avant que le monde existe belle ata combien de fois marangapi elle clignerait des yeux. Vous voyez. Pourquoi? Dieu anime. C'est parce qu'il est infini. Kusudi, il est Dieu. Mungu. Il est Dieu. Mungu. Vous voyez? Munaona. Souvenez-vous que Kimbukeni, vous, mweye, vos yeux, macho enu, votre statue, tout ce que vous êtes ce soir, kile kyote wiko leo, tout ce que tu es ce kile soir, kyote wiko imangaribi, vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Mwanzo, et tout ce que vous na, êtes, kile kyote wiko, c'est l'expression de sa parole. Après l'avoir pensé, il a prononcé. Anasema, et na, vous voilà. Mweaba, si ce n'est pas ainsi, kama ikukwe vile, si ce n'était pas dans sa pensée, kama aiko mawazo yake, il n'y a aucun moyen akuna namna ta moya, du tout de vous ayu, d'être un jour là-bas. Pale. Car il est celui ni qui donne la vie éternelle. Jo eko la leta. Comprenez-vous mire. Cela? Et oui, bien, mes frères. Non, non, non, non. Qui le ou coléo? C'est que vous êtes aujourd'hui. Vous les fous. La taille. Vous l'aimez. La masse. La tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Même les cheveux que vous avez. Et les ongles que tout vous avez. Tout ce que tu es maintenant yo, là. Oui, coléo. Mungu akumbi depuis l'éternité. Il était dans sa pensée là. Il a reconnu. C'est comme ça qu'il t'avait vu. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Si il t'a jamais vu comme alors, ça. Il ne sera pas Dieu. Ah, parle à Shiza Mungu. Il n'est pas Dieu. C'est vrai frère. Yakweri Nduku. Dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Maubiri Christu njo konekanisha kwa siri ya Mungu. Christ est la révélation du mystère de Dieu, page 10. Christ, njofunuo, page 10. Kata seki akumi. Ce mystère, ce secret. Isiri. Ce mystère. Isiri. Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Mbele ata misingi ya dunia kuoko Mungu kwa sajua. Au plus profond de sa pensée. Mule mupana ya mawazo yake. Dieu savait quelque chose. Mungu alikwasha kuya kitu kimoya. Dieu avait quelque chose. Mungu akokoa kitu kimoya. Il voulait réaliser. Kile alipenda kutimiza. Il avait un motif pour le faire. Na alikuwa na sababu ya kufanya. C'était afin de pouvoir s'exprimer lui-même. Ilikuwa kusudi apate kujionekanisha mwenyewe. Vous voyez. Unaona. Dieu. Mungu. Qui vous connaissait. Ule alikuwa kasa mijua. Avant la fondation du monde. Qui t'a donné cette forme que tu as. Na alikupatia ile umbo huku nayo. Et qui a mis en toi le livre arbitre que tu as. Areka ndani yako ile uhuru ya kuchakula huku nayo. Il t'a mis sur la terre. Alikuweka pa dunia. Parce qu'il a un objectif avec toi. Sababu eko na kifukuzio pamoja na wewe. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Même Dieu. Ata Mungu. Était une pensée. Alikuwa wazo. En Elohim. Ndani ya Elohim. Wewe mwenyewe frère. Unaona nduku mpeni. Même Jésus. Ata Yesu Kristo. Était une pensée. pensée en Elohim. Dani ya Elohim. Même le commencement ata mwanzo, était une pensée mwanzo en Elohim. Ya Elohim. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Wakati ilifika ya kuonekanisha yote ilikuwa mawazo yake alianza kuonekanisha kwanza neno ile logos yenye ilikuya ilikuya kazi ndani ya mawazo yake. Unaona nduku mpendwa, unaona da mpendwa, hata ikanisa ilikuyaka mu mawazo ya Elohim na tangia milele Mungu alikuwaka anesha kuona mawazo yake kila moja wetu hapa la uzeta si ekom jemetia debout na tangia ile wakati alikuwaka anesha kuona na alikuwaka anesha kutunga ndani ya mawazo yake sababu ni Mungu ule ekona generation enatunga bizazi. Il est le Dieu qui gère chaque jour. Il gère les jours, il gère les semaines, il gère les mois, il gère les années, il gère les générations. Il connaît tout ce qui se fait et ce qui se fera dans chaque jour, dans chaque semaine, dans chaque mois, dans chaque année, dans chaque génération. C'est pourquoi il est Dieu. C'est vrai frère. Il est un homme. Ni muntu. Il est un bon architecte. Na ni mufundi wa kweli. Oui bien frère. Naona nduku. Alors dans sa pensée. Sasa ndani ya mawazo yake. Il eut le désir. Alikuwa na nia. De voir ses attributs exprimés. Na kazi yake kuonekanishwa. Vous voyez. Munaona. Vous voyez. Munaona. Or Dieu avait un dessein, un mystère. C'est vrai frère, c'est vrai ma soeur. Comprenez-vous cela? Ce glorieux mystère de Dieu, c'est un secret. Il a gardé secret. Personne n'a jamais rien su à ce sujet. Les anges eux-mêmes ne l'ont pas compris. Ils ne pouvaient pas entrer dans la pensée de Dieu. Pour savoir ce qu'il pensait. Oui, bien mes frères. Nous aujourd'hui, nous connaissons ce que Dieu pensait dans l'éternité. Parce que nous sommes devenus une partie de lui. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Nous sommes devenus une partie de lui. C'est pourquoi nous avons l'occasion, la chance, de connaître ce que lui est. Kujua bile kile eko. Oui bien mes frères. Dio nduku mpendwa. Dans l'adoption numéro 4. Kukubaliwa mwana. L'adoption numéro 4. Kubaliwa. Namba yake aine niandike mupate kuisoma manyumba dans son paragraphe 44 mu karatasi yake ya makumi ine na ine l'adoption partie 4 kubaliwa page 114 à 116 mu page 114 116 paragraphe 44 nukta yake ya makumi ine na ine. Nous en avons parlé mercredi passé. Tu dis mais c'est ayo Juma. Vendredi passé. Juma, kazi tano nous nous sommes représentés Dieu. Yakusema. Quand il était Elohim. Mwakati alikuwa Elohim tulionyesha. Et nous avons montré. Na tulionyesha. Qu'il existait par lui-même. Ya kwamba alikuwa kwa mwenyewe. Mais en lui. Na ndani yake. Il y avait la paternité. Lakini ndani yake mlikuwa bubaba. En lui. Ndani yake. Il y avait différentes qualités. Mlikuwa ma aina ya kuachana. Tel qu'être un sauveur. Kwa vile ya kusema akuwa mkombozi. Tel qu'être un guérisseur. Na kuwa wa kutunza. Tout ça. Bile biote. C'était en Dieu. Et Dieu. Na Mungu. Elohim. Existait par lui-même. Alikuya ko kupitia mwenyewe. Mais. Lakini. En étant donné qu'il était sauveur. Vile alikuwa mkombozi. Il n'y avait aucun ange avec lui. Akukua malaika hata mmoja pamoja naye. Il n'y avait rien avec lui. Akukua kitu hata kimoja pamoja naye. Il n'y avait que lui. Akukua tu ni yeye mwenyewe. Lui tout seul. Ye peke yake. Il existait par lui-même. Alikuwa anaishi kupitia yeye. Rien n'existait. Na hakuna kitu hata kimoja kilikuwa yako. Rien n'existait que Dieu. Hakuna kitu hata kimoja kwako isipokuwa tu yeye mwenyewe. Vous voyez bien mes frères. Unaona? Seulement, étant donné qu'il était Elohim, il était Dieu. Alors il fallait qu'il y ait quelque chose pour l'adorer. Parce qu'il aimait l'adoration. Et c'est par son propre être qu'il créa des créatures pour qu'il adore. Parce que ces créatures étaient dans ses pensées. C'est pourquoi quand une église aime adorer, comme Dieu aime l'adoration, il fait descendre son onction, et dans l'adoration il bénit son peuple. Dans l'adoration il guérit les malades. Dans l'adoration les enfants de Dieu naissent de nouveau. Dans l'adoration il sanctifie. Dans l'adoration il baptise Saint-Esprit. Au milieu de nuages. C'est vrai, frère. C'est pourquoi il a créé les anges. C'est pourquoi il nous a créés. Pour que nous l'adorions. C'est vrai, frère. C'est pourquoi quand il s'agit de l'adoration, il faut que nous distribuions. Il faut que nous distribuions. Il faut que nous distribuions. Il faut que nous distribuions. Il faut que nous distribuions. Il faut que nous distribuions. Nous devons adorer avec beaucoup de joie cet être surnaturel. Il connaissait tout ce monde. Il avait conçu tout ce monde. Et na, même ce soir, Atai Mangaribi, mon frère, yang, ma soeur, dada yang, tanguria kuamini ya kusema, quoi, premièrement, je suis ici pour l'honorer. Je suis ici à son service. Je suis ici pour accomplir les desseins éternels du Dieu éternel. Satan, toka apa. Et Satan fuira de nous. Atakimbia mbali na wewe. Lève-nous pour la prière. Ushimame njoo kuomba. Vous êtes heureux. Muko baeri. Vous êtes bénis. Muko benye kubarikiwa. Si vous croyez ces choses, kama munamini ibitu, vous les comprenez. Mune bielewa, vous les vivez. Mune biishi, vous les mettez en pratique. Mune bitumikia, vous êtes une nation heureuse. Taifa ya heri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prions tous ensemble. Tuombe sote pamoja. Merci Seigneur pour ces belles paroles. Merci Seigneur.